well, the music came from some great musicians in Jamaica. But before reggae, it was ska. After ska, then you have rocksteady, which is one beat, one jam on the beat, and rocksteady was very, very good style. And then reggae came in. Some great musicians was in Jamaica. Some of them died now, some still alive, that bring this beat, chicky, chicky, chicky, but nobody didn't know what to call it. Some people call it blue beat, some people call it boogie beat, but there was a slang in Jamaica called streggy. If the girl that begins so good, we call her streggy. And if the guy that begins so good, she or the girls would call us streggy. It's a vibes. And then I think I take it from there. After hearing the beat was such a, it's still a good beat. And I think I said, let's do the reggae. Ready? Yes, sir. Yeah. 1, 2. Dans The Rocks, comme tous les lundis soirs de 19h à 21h sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, sur ontherocks.net et en rediffusion sur ZEF à Blois. Pas de générique ce soir car une émission un peu spéciale. On a commencé avec ce morceau qui date de 1968 et qui, à part être un morceau vraiment génial, chaloupant et euphorisant, eh bien, a de ça de spécial qu'il allait entériner et créer un mouvement musical à lui tout seul. Ce morceau s'appelle Let's Do The Reggae. Il date de 1968 donc et est interprété par un groupe groupe de la Jamaïque qui s'appelait Toots and the Metals. Toots, c'est Toots Hibber, qui est un des monuments de la musique contemporaine qui vient de s'éteindre, qui vient de disparaître il y a quelques semaines après avoir sorti son ultime album. Il a été emporté probablement par le coronavirus. J'allais dire peu importe, c'est la perte qui est la plus flagrante puisque on perd l'équivalent ici d'un frère d'armes et aussi important à mon avis que Bob Marley, qu'était Bob Marley. Alors, l'injustice veut qu'on connaît beaucoup plus Bob Marley dans nos sociétés occidentales que Toots and the Metals, et pourtant, c'est donc Toots and the Metals qui ont lancé le thème de reggae dans cette chanson. Alors, ça ne s'écrivait pas pareil, R-E-D-2-G-A-Y à l'époque, en 1968. Mais comme Toots vous l'a expliqué juste en introduction, j'ai voulu que ce soit sa voix que vous entendiez en premier et pas la mienne. Elle est bien plus chaleureuse et bien plus intéressante. Eh bien, il expliquait que voilà, il y avait sur les cendres et du ska, alors pas les cendres, parce que le ska était encore bien vivant, mais du rocksteady et du ska en Jamaïque, il y a eu un mouvement musical qui est apparu avec un nouveau rythme et on ne savait pas comment l'appeler. Est-ce qu'on allait appeler ça le blue beat? Est-ce qu'on allait appeler ça le boogie beat? Eh bien, il a saisi l'air du temps, Toots, à cette époque, et il a appelé ça le reggae. Et donc, la première fois qu'on entend le mot reggae, c'est dans un morceau de Toots and the Metals. Une perte immense, donc, pour ce groupe et cet artiste jamaïcain qui aura traversé les décennies, qui n'aura jamais vraiment, véritablement quitté la scène, à part il y a quelques années, on y reviendra. Eh bien, ce soir, dans On The Rocks, on va rendre hommage à Toots Hibbert et donc Toots and the Metals, avec une émission spéciale. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, je pense que vous allez vous régaler. Si vous le connaissez, vous allez être ému, puisque voilà, Toots nous a quittés. Le dernier album, on s'en passera deux extraits à la fin de l'émission, mais d'abord, on va commencer avec le commencement. Nous sommes à la mi-temps des années 60, et en Jamaïque est en train de naître un mouvement. Un groupe vocal s'est formé, il s'appelait The Metals, et bien vite, on s'est rendu compte que le leader incontesté de ce groupe était Toots, et donc il allait devenir ce groupe Toots and the Metals. Et leur premier tube, qui était vraiment annonciateur d'une grande carrière, même si ça allait être un peu plus compliqué que prévu dans les premières années, allait être ce morceau qu'on se diffuse maintenant et qu'on se diffusera en clôture d'émission dans une autre version. Le morceau s'appelle Bam Bam, et donc pour chalouper tranquillement au bord de l'eau, il n'y a rien de mieux. C'était le premier succès en Jamaïque, pas à l'international, de Toots and the Metals, et c'était, je n'étais pas né, c'est pour vous dire. Voici donc le premier grand tube de Toots and the Metals, et ce soir, on leur rend hommage. The right. the man. I saw the right, not far the wrong. Come together, let's sit and talk. Lately we and murmur not. Soon you will find out the man I'm supposed to be. Dans The Rocks, nous rendons hommage à Toots and the Metals. Et là, c'était leur premier succès en, à la mi-temps des années 60 avec ce Bam Bam. L'avenir leur paraissait radieux et pourtant, il y allait avoir une sorte de faux départ puisque en 1966, il allait arriver une grosse tuile à Toots puisqu'il allait être arrêté pour officiellement possession de marijuana et il allait être foutu en prison au trou pour 18 mois. Il aurait pu en sortir complètement déprimé, lavé, rincé et composé des morceaux extrêmement sombres, eh bien c'était mal le connaître puisque de cette expérience malheureuse et assez traumatisante, il allait en tirer la force de livrer un nouveau morceau et un nouveau tube qui sera 5456 was my number, alors c'est son numéro de matricule 5456 et voilà, on aurait pu s'attendre à un morceau voilà, un peu glauque et bien lui, il est allé vers la lumière car Toots and the Metals, c'était ça. Si Bob Marley était intense, cosmique, presque religieux, eh bien Toots a toujours tiré sa musique vers le chaleureux, le festif, à la croisée de bien des styles. Évidemment, il y a du reggae, mais il n'y a pas que du reggae. Il y a aussi de la soul dans sa voix. Il y a également du rhythm and blues parfois dans les cuivres. Il y a plein de musiques qui se rencontrent. Évidemment le ska, évidemment le rocksteady. Eh bien donc à sa sortie de prison, Toots and The Metals allait retourner en studio et en 1968 allait sortir ce morceau assez formidable qui est 5456 was my number, son numéro de matricule, et voilà ce que Toots a fait de son incarcération. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. What they say? That's what they say. Oh, yeah. I say, yeah. Yeah, yeah. This is what they say. That's what they say. Do you believe I would take something with me and give it to the policeman? I wouldn't do that. And if I do that, I would say, sir, put the charge on me. I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. I'm not a fool to hurt myself. So I was innocent of what they done to me. They was wrong. Listen to me one more time. They were wrong. Oh yeah, give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Yeah. To me, four times. Just Generation The Metal sont ce soir dans On The Rocks, ceux qui ont commencé comme un trio vocal qui s'appelait juste The Metals. Et bien, bientôt, ils allaient prendre donc une envergure assez incroyable à la fin des années 60 en Jamaïque et bientôt influencer le monde, y compris Bob Marley. On en reparlera un petit peu plus tard. Et bien, nous sommes en 1969 et va paraître un morceau qui allait être peut-être le morceau, un des morceaux les plus emblématiques de Toots and The Metals. En l'espace de 2-3 ans, ils allaient livrer ce qui allait être leur plus gros tube à jamais. Et c'est le cas de ce morceau qui s'appelle Pressure Drop, qui a été repris par énormément de groupes. Il figurera sur l'album Monkey Man qui sortira en 1970. Eh bien, je vous propose de vous faire entendre une version de ce morceau qui s'appelle Pressure Drop, qui est un peu symbolique de l'influence qu'a eu Toots and the Metal sur toute une génération de musiciens. Puisque il est sorti en 2004 un album de Toots and the Metals qui est un de mes favoris, où ils reprennent tous leurs tubes des années 60 et des années 70, mais avec une liste d'invités par morceau qui sont, enfin, à chaque morceau il y a un invité prestigieux, et c'est à donner le vertige, puisqu'il y a Bonnie Raitt, Willie Nelson, Keith Richards et Rolling Stone, il y a Shaggy, il y a The Roots, il y a Jeff Beck, il y a No Doubt, on en reparlera tout à l'heure, il y a Ben Harper, Ryan Adams, Paul Douglas, Jackie Wilson, Scatalyze, enfin il y a du monde sur cet album, et il y a une version de Pressure Drop qui est une version qui prouve à quel point la musique de Toots était à la fois poreuse de toutes les influences musicales qui pouvaient l'entourer et qui pouvait également très bien se fondre dans d'autres styles musicaux. Voici donc cette version enregistrée avec au cœur et à la guitare pleurante et à la fois riante d'Eric Clapton. Donc ce Pressure Drop, Eric Clapton, Toots and the Metals, enregistré en 2004, donc dernière partie de carrière. Rappelle donc le morceau qui lui avait été un tube en 1969. Vous êtes dans The Rocks et ce soir on rend hommage à Toots. 1, 2, 1, 2, 10, 12. Yeah. C'était cette version de 2004 de Pressure Drop à l'instant dans The Rocks dans cette émission hommage à Toots and the Metals. Mais 2004 n'a pas été le moment de Toots and the Metals. Non, le moment du groupe a vraiment été la fin des années 60 et surtout la première moitié des années 70 où tout va exploser. Il y aura des morceaux aussi fabuleux que ce Pressure Drop qu'on vient d'entendre. En 1972, ils seront à l'affiche du film The Harder They Come, qui est voilà la référence cinématographique du mouvement reggae en Jamaïque et à travers le monde. Ça, c'est en 1972. On retrouve d'ailleurs deux titres de Toots and the Metals, dont ce Pressure Drop. Et puis, voilà, il va y avoir des albums qui vont s'enchaîner et qui vont être des véritables merveilles. Il y aura Reggae Got Soul en 1975, on en reparlera, mais juste avant, en 1973, il y aura ce qui est peut-être un des meilleurs albums de Toots and the Metals, l'album qui s'appelle Funky Kingston, et on va se passer donc le morceau qui porte le nom de l'album, enfin l'album porte le nom du morceau, je ne sais pas dans quel sens on peut le mettre, Funky Kingston donc, 1973, et voilà, là c'est vraiment la grande période. Ils viennent d'être signés chez Island Records en 1971, le même label que Bob Marley, dirigé de main de fer et de main absolument géniale par Chris Blackwell. Et bien voici donc Funky Kingston, donc tiré de l'album Funky, hein. Pas fucking, hein. Funky Kingston, enregistré donc en 1973, et c'est un des grands, grands morceaux de la grande période de Toots and the Metals. Funky Kingston now. Frankie Kingston. Ce soir dans On The Rocks, nous rendons hommage à Toots and the Metals. Et vous avez entendu ce son assez crade de batterie et cette voix rocailleuse. Voilà, est-ce que c'est du reggae ou est-ce que c'est autre chose? Ben, pour moi, Toots and the Metals, c'est autre chose. Ça dépasse un peu le reggae, le ska, et c'est une sorte de chaudron, c'est du Toots. Voilà, quand on entend, on a la banane et on a envie de sauter partout. Et c'est, ce fut le cas exclusivement, enfin, particulièrement, pardon, pour le morceau suivant qui s'appelle Monkey Man. Alors, l'album était sorti en 1970, mais la version, à mon avis, la plus fantastique de ce morceau Monkey Man, qui vraiment redonnerait le moral à, je ne sais pas, un zombie, eh bien, cette chanson a été enregistrée donc avec le groupe No Doubt, groupe qui a dû vouer une admiration sans borne au ska de Toots and the Metals, puisque la première partie de la carrière de No Doubt, c'était vraiment un groupe de ska. Je les ai vus sur scène au Zénith avant que Gwen Stefani se lance dans des choses un peu plus sirupeuses. Bah, c'était vraiment une grosse ambiance. Eh bien, voici la version qu'ils ont livrée sur cet album de 2004 où Toots and the Metals reprenait pas mal de ses titres avec des gens très connu et très très fan de ce qu'il faisait. C'est pour moi ma version préférée et peut-être mon morceau préféré de Toots and the Metals. Vous êtes dans The Rocks et ce soir c'est un hommage appuyé. Sign of you, I only heard of you. Boogie of the big monkey man. I see the sign of you, I only heard of you. Boogie of the big monkey man. He's that lion, he's that lion. Tell you when you're boogie of the big monkey man. He's that lion, he's that lion. Tell you when you're boogie of the big monkey man. Ay ay ay, ay ay ay. They tell me that you're boogie of the big monkey. Monkey Monkey Man, donc la version de 2004 de Toots and the Metals qui fait danser à peu près la terre entière, y compris Lulu. C'était donc ce morceau enregistré avec No Doubt et Gwen Stefani qui a eu la classe de s'effacer derrière et juste faire les chœurs. Bah oui, Toots and the Metals, c'est ça, c'est peut-être sur des racines un peu douloureuses, faire danser la planète entière et faire rendre la vie belle. On se demande vraiment si ce sont des fois des reprises, des morceaux originaux. Alors évidemment, ce Pressure Drop, ce Monkey Man, ce sont des compositions de Toots Hibbert à qui on rend hommage ce soir dans The Rocks puisque il s'est éteint il y a quelques jours. Et voilà, il y a d'autres morceaux comme ça, comme Everybody Needs Loving, où ça surfe évidemment sur d'autres titres qui nous reviennent comme des récurrences, comme Everybody Needs Somebody to Love, et voilà, qui avait été popularisé également par les Blues Brothers. Bah non, c'est une compo de Toots and the Metals, mais franchement, on se dit, ah oui, ça me dit quelque chose, et puis après on se dit plus rien puisqu'on est en train de danser et il nous a déjà embarqué. Voici donc Toots encore une fois ce soir dans The Rocks en hommage avec Everybody Needs Loving dans sa plus grande période, c'est-à-dire la première moitié des années 70. Better believe it, yeah. Better believe it, yeah. Well, I'll tell you that, yeah. grande période de Toots and the Metal ce soir dans On the Rocks, en hommage à Toots Hibbert qui nous a quittés malheureusement il y a quelques jours. D'abord, c'était un morceau qui s'intitulait, que je ne dis pas bêtise, Everybody Needs Loving, qui était tiré d'un album qui s'appelait Reggae Got Soul, qui est sorti en 1975. Et à l'instant, c'était la reprise évidemment du morceau des Kingsmen. Les Kingsmen l'avaient enregistré en 1963. Ce Louie Louie, eh bien évidemment, c'était la version de Toots and the Metal enregistrée 10 ans plus tard, en 1973. Et il y avait un monde musical et un monde entre les deux. Voilà, il y a eu énormément de choses musicales qui se sont passées, d'événements musicaux et de révolutions musicales qui se sont passées pendant ces 10 ans. Alors la révolution musicale pour Toots, ce fut ces deux albums surtout. Et à l'issue de l'album Reggae Got Soul, eh bien Toots est devenu ce qu'il était déjà en Jamaïque, mais aux yeux du monde entier, comme un performeur sur scène absolument fantastique. Il allait enchaîner en 1975 une série de dates de concert avec un nombre de dates assez impressionnant. Il allait faire la première partie des Who, il allait tourner avec les Eagles, avec Jackson Browne. Alors oui, c'est un peu étrange quand on entend ça, parce que ça n'a vraiment rien à voir avec leur musique, mais en tout cas voilà, il sera un showman jamais démenti, même passé 60 ans. Il donnera des concerts fabuleux, c'est un de mes grands regrets. Je voulais absolument le voir en concert. Et voilà, le soir où Mathieu Dufaux a eu l'intelligence de le programmer la dernière fois à l'Astrolabe, je ne pouvais pas m'y rendre. Et je me suis dit, ce sera la prochaine fois. Eh bien, il n'y aura pas de prochaine fois, mais en tout cas, du live et de Toots and the Metals live, vous allez en avoir maintenant dans The Rocks, avec un extrait donc de cette tournée de 1975. Ça s'appelle Sailing On, et c'est dans The Rocks. We're gonna give a little concert with them. You know what you're making away? Reggae, rhythm. Okay. It's off my new album we call Funky Kingston. And this particular song we call Sailing On. We're gonna give it to you right off of our album, okay? It goes like this. Everybody clap your hands and give yourself a chance. Well, I say, sailing on, sailing on. And I can hear sweet voices singing, and I can hear sweet music I'm playing. Sailing on, and just sailing on. To lay our head on those pillows. Hey, boy, baby, now, baby. It may be morning, noon, or night, or spring, summer, autumn, winter, no, any other one. Someone has to tell me, now, which one you gotta prefer? While on the two of us going to lay our head on those pillows. Hey, Paul. Hey, come on, baby. It may be morning, noon, and night. Or it's been summer, hot, or winter, nah, any other one. You got to tell me now which one you will prefer, Lord. And the Metals live avec une fin un peu abrupte, désolé. Voilà, c'était en 1975, au moment de leur grande tournée mondiale. Et pourtant, ce n'est pas Toots and the Metals qui vont vraiment rafler la mise. C'est Bob Marley qui va reprendre le terme reggae créé par Toots and the Metals et qui va développer ô combien superbement ce style musical, mais en restant assez puriste. Bob Marley, il s'est jamais vraiment éloigné du reggae pur, alors que Toots and the Metals s'est un peu baladé. Alors les deux hommes se connaissaient bien, les deux hommes s'appréciaient, les deux hommes étaient amis. La preuve en est, on va retrouver sur scène Toots, mais sans ses Metals, puisque derrière lui, ce sera les Wailers de Bob Marley. Après la mort de Bob Marley, il y aura un concert hommage qui s'appelait The Bob Marley All-Star Tribute, grand concert hommage à Bob Marley avec des invités prestigieux. Et sur ce Lively Up Yourself, eh bien, ce sera Toots qui viendra chanter ce titre de son ami disparu, Bob Marley. Vous êtes là vraiment dans du reggae, puisque voici les Wailers, mais devant au micro, ce n'est pas Bob, c'est Toots. Brother, Toots et Birds. Don't be no jerk, no, no, no. Lively up, yeah. C'était Lively Up Yourself de Bob Marley and the Wailers, avec les Wailers mais sans Bob Marley puisque décédé. C'était Toots à qui on rend hommage ce soir. Oui, les deux hommes se connaissaient et ils se connaissaient à tel point que Toots and the Maytals allait sortir en 1973 un album, on en a parlé précédemment, un de mes préférés qui s'appelait Funky Kingston. Et sur cet album, il y avait un morceau qui s'appelle Redemption Song. Bah oui, exactement comme le morceau célébrissime de Bob Marley, d'un Bob Marley crépusculaire à la guitare acoustique qu'on se passera juste après. Eh bien, ce morceau, c'est Toots qui l'a écrit. Alors, dans une version complètement différente, on va se passer la version de Toots de 1973. Vous allez pouvoir ouïr que ça n'a pas grand-chose à voir avec la version de Bob Marley. Mais pourtant, c'est Bob Marley qui a demandé à Toots l'autorisation de reprendre ce morceau. Il l'a repris, il l'a complètement déstructuré, il a réécrit d'autres paroles. Et ça a donné le Redemption Song qui est resté à la postérité de Bob Marley and the Wailers. Mais la première version de ce Redemption Song, elle est écrite par Toots and the Maytals. Et la voici. C'était la version originelle de Redemption Song, enregistrée, créée, écrite par Toots and the Metals sur l'album Funky Kingston en 1973. Et quelques années plus tard, juste avant sa mort, Bob Marley allait donc s'emparer de ce morceau, en faire une version avec le groupe, un peu reggae. Et puis, la version la plus connue, celle qui a été reprise également par Joe Strummer, des Clash, on en reparlera juste après des Clash, ou pas longtemps après. Eh bien, voilà, déjà malade, Bob Marley, la voix un peu diminuée, allait livrer ce testament musical qui est vraiment une merveille pure. Alors évidemment, ça ne ressemble pratiquement plus du tout à la version de Redemption Song de Toots and the Metals, mais ça reste quand même un hommage à Toots, puisque c'est lui qui en était à l'origine. And ships minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. From mental slavery, none but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom. Songs of freedom. Bob Marley, son fameux Redemption Song dans The Rock. Ça fait longtemps que j'avais pas diffusé ce morceau, ça fait du bien. Très très beau morceau de Bob Marley. Voilà, s'il vous fallait encore une preuve que Toots and the Metals et Bob Marley and the Wailers étaient intimement liés et que leurs chemins s'étaient croisés et recroisés, bah après Toots qui joue avec les Wailers un morceau de Bob Marley, après Bob Marley qui reprend une ancienne chanson de Toots pour la remanier, et bien voici un morceau célèbre de Bob Marley, un peu moins célèbre que le Redemption Song, mais assez savoureux, qui s'appelle punky reggae party que Bob Marley a sorti pour rendre hommage à tous les songwriters de l'époque qu'il appréciait et qu'il conviait à une grande, grande fête reggae et punk à la fois. Et donc, il cite dans ce morceau, si vous tendez l'oreille, les Damned, les Jam, les Clash, Dr. Feelgood aussi, et puis, bien sûr, Toots and the Metals. Metals will be there, c'est ce qu'il dit. Et bien voilà, voici donc le morceau de Bob Marley qui rend hommage à Toots comme nous, nous rendons hommage à Toots ce soir. Please. Marley qui rend hommage à Toots and the Maytals et à tout ce mouvement qui bouillonnait en Angleterre et dans le monde entier à la fin, au mi-temps des années 70 et à la fin des années 70 dans ce punky reggae party. Ce soir dans The Rocks, nous rendons hommage à Toots Hibbert, chanteur de Toots and the Maytals, disparu le 11 septembre dernier. La popularité des Maytals commençait à peut-être un peu à flancher au début des années, fin des années 70, début des années 80, eh bien, ça va être une renaissance qui viendra de petits blancs anglais qui allaient se souvenir que s'ils brûlaient tout dans le mouvement punk, tous les Beatles et tous les Rolling Stones, ils sauvaient malgré tout ce qui venait de la Jamaïque et le reggae. Ce fut le cas des Specials qui allaient reprendre évidemment un morceau de Toots and the Maytals et en particulier un morceau, le cas d'un groupe qui est cité dans ce punky reggae party de Bob Marley, c'est les Clash. Les Clash qui étaient des faux punks, c'est-à-dire qu'ils savaient jouer quoi. Ils savaient très très bien jouer, comme Toots d'ailleurs, qui pouvaient jouer de tous les instruments. Eh bien, les Clash étaient des vrais musiciens et des vrais esthètes de la musique. Et ils allaient reprendre ce Pressure Drop qu'on s'est passé tout à l'heure dans la version avec Eric Clapton. Cette fois, c'est la version des Clash qui allait remettre au goût du jour la musique de Toots and the Maytals. Joe Strummer et sa bande qui n'ont jamais caché leur admiration pour le reggae et donc pour toutes Sense of Metals avec ce Pressure Drop qui fleure bon la fin des années 70 et le punk dans ce qu'il a de meilleur. Je vous conseille de vous plonger dans la discographie évidemment des Clash et en particulier London Calling qui pour moi est le meilleur album de tous les temps peut-être. Et il n'a pas influencé que des punks, il n'a pas influencé que des reggae-man. Toots, il a aussi influencé évidemment des gens qui venaient de la soul. La preuve, voici une version un peu moins bien que celle qu'on s'est diffusée tout à l'heure de Monkey Man, mais quand même une version intéressante enregistrée par Amy Winehouse. Encore un morceau donc de Toots and the Metals, et elle s'amuse à faire une grosse voix de Toots sur le refrain, ce qui est assez rigolo. Que Toots étaient aussi influencés par les grandes stars du reggae que par la soul et surtout le rhythm and blues. Il était fasciné, je pense, par l'écurie Stax et tout ce qui en découlait. Eh bien, il a quitté les Metals, le groupe, le trio historique des Metals au début des années 80. Et donc, il allait faire une petite aventure de d'une décennie en solo et en particulier un album assez étrange et qui assez réjouissant, avec des morceaux un peu plus dispensables que les autres, mais en 1988, il enregistre un album qui s'appelle Toots in Memphis. Donc voilà, donc il traverse la mer pour se rendre aux États-Unis, la grande voisine de la Jamaïque, et donc il se rend à Memphis pour enregistrer des morceaux, des grands classiques du rhythm and blues. Et là, sa voix, alors bien sûr, c'est toujours un peu matiné de reggae, de rocksteady, mais il y a la soul et le rhythm and blues qui vraiment sont là juste derrière, et on peut voir à quel point sa voix était magnifique. Il a été classé, je crois que c'était par Rolling Stone Magazine, parmi les 100 plus grands chanteurs de tous les temps, et on le comprend sur ses morceaux. Alors voilà, c'est pas Otis Redding, mais presque. Voici donc Hard to Handle de Otis Redding d'ailleurs, suivi de Knock on Wood d'Eddie Floyd, deux morceaux enregistrés en 1988 par Toots. kind of cold, mama, I'm so hard to hang on, you sir. Cause mama, I'm so hard to hang on, yes sir. Cause mama, I'm so hard to hang on, yes, sir. Toots and the Metals en hommage ce soir dans The Rock. Je vais accélérer un petit peu parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous faire entendre. Toots qui a vécu en 2013 un traumatisme puisqu'il était sur scène comme il l'est depuis des décennies, il était depuis des décennies. Et un jeune homme a balancé une bouteille en verre sur la scène qui est arrivée directement sur la tête de Toots qui a été évacué. Commotion cérébrale, traumatisme, peur de remonter sur scène. Donc il a décidé d'arrêter les tournées. Il aurait pu en vouloir énormément à ce jeune homme, mais quand il a su qu'il risquait de la prison, il a écrit au juge en demandant que voilà, qui en gros je le paraphrase, mais il disait que il sait que provoque la prison chez certains jeunes et que à son traumatisme s'ajouterait ce traumatisme-là s'il savait que ce jeune-là était envoyé en prison, donc il demandait la clémence. Il a quand même pris 6 mois de prison ferme, mais Toots and the Metals n'a pas renoncé aux tournées pour autant, enfin pour un temps oui, mais ensuite il a décidé de remonter sur scène et c'est lors de cette remontée sur scène qu'il est passé par l'Astrolabe d'Orléans. C'était en 2017. Voici une autre reprise de Toots, repris par Toots and the Metals. À l'instant c'était How to Handle et Knock on Wood, donc c'était vraiment le rhythm and blues, et bien et la soul, et bien là il reprenait également un vieux titre country folk qui a été repris maintes et maintes fois. C'est Take Me Home Country Road et c'est dans The Rocks. Heaven, West Jamaica, true is a mountain shining down the river. All my friends there, pulling on those reeds, young man than the mountain, going like a breeze. C'était Toots and the Metals avec Take Me Home, Country Roads. Les grands musiciens se sont bousculés pour jouer avec Toots. Voilà, c'est vrai qu'il n'est pas extrêmement connu en France du grand public. Et on se demande bien pourquoi, parce que vraiment, ces morceaux sont fantastiques. En tout cas, il y en a une qui a bien compris qui il était et ce qu'il avait apporté à la musique. C'est la grande guitariste de blues Bonnie Raitt qui a participé à cet album True Love de 2004 que je vous conseille chaudement avec une version de True Love is Hard to Find qu'on va se passer maintenant. Et on retrouvera également Bonnie Raitt sur l'album de Toots and the Metals. Il jouera sur son album. Enfin bon, ils vont se croiser ces deux-là. Et en tout cas, leur rencontre fait des étincelles, la preuve. Ouhouhou, si j'envoie le morceau au bon moment, c'est mieux. Leur rencontre fait des étincelles, la preuve. That I got to be yours. You told me that the day would never come that you will walk out on me. And girl, I know that true love is hard to find. I believe true love is hard to find. I know you know that true love is hard to find. To find, hard to find, hard to find, hard to find. I say true love, true love, true love, true love, true love is hard to find. Yeah. You told me that you know I have to travel all over. You will take care of my business for me. I said, darling, save a loving doors for me. Just because I know that true love is hard to find. I believe true love is hard to find. Take it, leave it, come back. True love is hard to find. Hard to find. Cause I know that true love is hard to find. I believe true love is hard to find. Everyone to know that true love is hard to find. Hard to find. c'était encore une fois Toots and the Metal ce soir dans l'émission spéciale hommage à celui qui nous a quitté le 11 septembre dernier. C'était avec Bonnie Raitt et sur cet album True Love de 2004, il y a une rencontre encore plus inattendue avec quelqu'un qui lui a toujours été fan de reggae. Il l'a toujours dit, il a même intitulé un de ses morceaux Bobby, Mr. Bobby pour Bobby Marley. C'est Manu Chao et sur cet album donc il y a un duo entre Manu Chao et Toots, Toots Hibbert. Et là c'est assez étonnant puisque ce n'est pas un grand classique de Toots comme la plupart des morceaux qu'on trouve sur cet album. C'est un morceau de Manu Chao qui s'appelle Mary Blues et la rencontre fonctionne plutôt pas mal, je trouve. Je vous en laisse juge. Voici donc Toots and the Metals accompagné de Manu Chao, si ce n'est l'inverse, avec Mary Blues. De Toots and the Metal ce soir dans The Rocks avec à la fois du blues avec Bonnie Raitt juste avant, à l'instant du Manu Chao, hein, on peut pas, c'est pas un style en fait, c'est du Manu Chao. Et puis quelque chose de plus surprenant, il y a eu il y a quelques années, c'était en 2006, un album de reprise de Radiohead. Et qui est-ce qu'on retrouvait sur cet album? Eh bien oui, je vous le donne Emile, c'était Toots and the Metals avec le morceau Let Down, morceau donc de Radiohead repris par Toots à la sauce toute, et ça donne voilà, quelque chose d'assez étonnant. Roots and the Metal s'empare de Radiohead. Ça donne ce letdown assez réjouissant. Et puis, il y a eu un silence de toute discographique au moins pendant une dizaine d'années. Et là, au mois d'août dernier, le 27 août, sortait le dernier album de Toots and the Metal. C'était même le coup de cœur de l'émission de reprise dans On the Rocks. Got to Beat Sox, on attendait cet album avec impatience. Un album très produit, un peu lourdingue parfois, mais on retrouve cette patte de Toots. Et puis au moment où sortait l'album et au moment où il disait qu'il s'apprêtait à nouveau à apporter de la joie aux gens, eh bien il a été hospitalisé pour insuffisance respiratoire. Il est resté ensuite plongé dans un coma artificiel en attendant les résultats du test du Covid et il est décédé brutalement le 11 septembre, un peu à la surprise générale quand même. Donc voilà, ça a été un peu la douche froide et donc ce soir nous rendons hommage à Toots avec maintenant deux morceaux tirés de son dernier album qui venait juste de sortir. On va se passer le morceau Struggle qui clôt cet album. Donc qui restera le dernier morceau du dernier album de Toots and the Metals. Et puis juste avant, une version de Three Little Birds encore de Bob Marley. Et voilà, la route se croise à nouveau. Elle se croise tellement qu'il le chante en duo avec Ziggy Marley, le fiston de Bob Marley, qui a en gros à peu près la même voix que Bob Marley. Et ça donne cette version un peu survitaminée de Three Little Birds, tirée donc de l'album pas posthume, puisqu'il est sorti juste avant la mort de Toots Hibbert, à qui on rend hommage pardon, ce soir. Can't see their way in this struggle.

Décidément, Toots nous aura fait trémousser jusqu'au bout de la dernière note de son dernier album. À l'instant, c'était Struggle, morceau qui clôt donc le dernier album studio de Toots and the Metals, sorti quelques jours avant sa disparition. Et puis, du même album, c'était Three Little Birds avec une version, alors voilà, bah, je préfère quand même la version de Bob Marley, mais une version assez émouvante de Three Little Birds, donc de Bob Marley avec Ziggy Marley en duo avec Toots. Voilà, c'était ce soir dans The Rocks, l'émission spéciale hommage à Toots, né en 1945 et disparu en 2020. Voilà, il nous laissera un grand vide, et en tout cas il nous laissera une série d'albums qu'on n'a pas fini d'explorer, avec à chaque fois la banane et le sourire aux lèvres. Voilà, une petite pensée pour Elisa, hein, qui a fait un check à Toots sur la scène de l'Astrolabe lors de son dernier concert. Elle en a un souvenir ému. On va se terminer ce soir l'émission, et merci à tous ceux et celles qui ont écouté l'émission. Peut-être Jeannette là-bas, Miss English de l'autre côté, on ne sait pas. En tout cas, voilà, tous ceux qui ont aimé Toots, l'Abeille et compagnie, c'est pour vous. On va se terminer donc l'émission avec le morceau avec lequel on a ouvert l'émission. On a ouvert l'émission avec une version de Bam, enfin s'il y avait Let's Do the Reggae, mais juste après, c'était le premier tube de Toots and the Metal. C'était au tout début des années 60 avec Bam Bam. Eh bien voici une version live du Bam Bam, encore ce morceau enregistré par Toots, mais cette fois simplement la guitare, la voix et l'émotion. Ciao, bye bye, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans On The Rocks de 19h à 20h en direct sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel et en différé, en rediffusion à ZEF et partout où vous voulez, sur ontherocks.net également, avec une émission spéciale Hop Hop Hop et surtout spéciale interview du fantastique groupe suisse qui est passé à Hop Hop Hop et qui s'appelle Black Sea Dahu. Ce sera une toute autre ambiance, mais voici donc Toots and the Metals pour terminer la soirée. Bonne nuit, portez-vous bien. And if you should have troubled this man, da bam bam bam bam salam bam tili lili bam bam what a bam bam it's a Jamaican bam bam it's a musical bam bam it's a festival bam bam bam bam salam bam hey da bam what a bam bam oh. It's a musical bam bam it's going to bring a bam yes it's going to bring a bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam oh yeah. Thank you, thank you. We can look for my future. I have an ever living future. Never stop.